Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour, bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 14 au 20 mars 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Yeah! Ha-ha! Wouhou! Cressel! Quoi? Cressel, comme dans On a du plaisir, on sort les cressels, non? J'ai jamais entendu ça, je pense que c'est rendu trop vieux, Mathieu! Oh, c'est drôle, les drôles! Bonne fête, oh, Mathieu! Merci. Veux-tu que je te raconte une drôle d'histoire? Vas-y. Je sais pas si c'est toi ou moi qui a fait ça à mon cellulaire, mais cette nuit à 1h30 du matin... J'ai un alarme qui a sonné de mon calendrier de cellulaire qui dit « C'est la fête à Mathieu Plante! » Mais comment ça? Ça se peut pas, ça? Je sais pas si c'est moi qui avais mis ça ou si c'est toi qui as joué avec mon cellulaire. J'ai pas joué avec ton cellulaire, donc... Mais à 1h30 AM, cette nuit, ça m'a dit que c'était ta fête. Mais si t'as programmé ça comme alarme, c'est drôle que tu l'aies mis à 1h30 du matin. Là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On se trompe des fois entre AM puis PM, ça arrive, ça. Ouais. C'est peut-être le changement d'heure aussi. Peut-être que tu voulais vraiment te réveiller à 2h30 ou à minuit et demi, je sais pas trop. Non. Quel bon. En tout cas, bref, bienvenue au Palmarès C'est fou, Stéphanie, et vous à la maison, où vous soyez, et hein, les gens. La semaine passée, au numéro 1, c'était du côté francophone, c'était un Galaxy avec Piste 1. Et côté anglophone, c'était Armistice avec Mission Bells. Ben oui, Armistice, j'imagine que tu as un potin là-dessus qui s'en vient plus tard dans la chronique. c'est quoi, Guess What? Hein? Non, j'ai pas de potin sur eux autres. Pas de potin? Ben non, c'est ceux qui sont ensemble, là, ça suffit. T'es au courant de... Je pense que t'as pas été mise au courant. Va voir tes nouvelles, reparle-m'en plus tard, parce que... Ouais, j'ai pas été voir les nouvelles encore aujourd'hui. Je crois que tu sais pas. Bon, mais il va peut-être avoir un potin. Je te vole pas de punch, là. Je veux pas te dire c'est quoi. Je l'ai déjà dit à la radio, mais quand même, je te garde ça pour plus tard. Bon. Bref, on va avoir 5 nouvelles entrées cette semaine. On a Kai avec Crowds, on a Ringo Death Star avec So High, on a Atomic Baobab avec Unstable... Et on va commencer avec la 20e position côté francophone, hors du temps, de la formation Le Globe. Au Palmarès C'est fou au 89.1 FM. Don't tell me it's alright. fait plus vrai, c'est sûr que ça le fait. Saut chromé comme dans Belindo. Alexandro. Je rentrais juste un peu de paillettes. Puis derrière moi, il y a une coupe de cloquettes. Ça le ferait, je te jure que ça le ferait. Plus vrai, c'est sûr que je le ferais. Si j'avais voulu, je serais peut-être Jean Leloup, Phil La Fontaine, puis son cœur de loup. Mais parmi les chanteurs de chansons populaires, sans la c'est plus de Claude que de l'autre que j'ai live. Côte chromée, style Magnolo, les goûts du disco, c'est Anela. Père blonde à guise de toupette, puis dans ma tête, une coupe de Claude est plus vrai, plus vrai, c'est plus que parfait, plus vrai, c'est sûr que ça le fait. C'est le live, quel est le déloge de Mike? Des litres de light pour mon live de light. Claude François, c'est ça light de light. Plus vrai, puis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que ça le fait. Plus vrai, puis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que je le fais. Numéro 19. Now in the ordinary sense of the word, we are crowds. We are crowds with same goals and desires. I want them to transpire. We are crowds. Can we lose away and lose ourselves in the midst of it all? I lost my friend. You are drifting. Don't walk away. I feel you drifting. I won't. avec la pièce Crowds. C'était à la 18e position. Est-ce que tu connaissais Kai? Non, mais j'aime vraiment ça. J'avais jamais entendu parler. J'ai même pas vu son nom quelque part. Ouais. Donc, Kai, l'album s'appelle 11-11-11-11. Avant, c'était Gatineau avec une nouvelle entrée en 19e francophone, Karaoke King, la pièce titre de leur plus récent album qu'on attendait vraiment beaucoup et qu'on est heureux d'avoir reçu. Oui! On va l'entendre les prochaines positions. Du côté anglophone, il va y avoir Ringo Death Star avec So High. Et du côté franco, les Handclaps avec la pièce Cliché, qui était une nouvelle entrée la semaine passée. Au palmarès, c'est fou! Restez avec nous à venir. Ringo Death Star, Antoine Corriveau et Alexandre Desilets dans les palmarès C'est fou au 89.fm. À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Numéro 18. Nouvelle entrée. Yeah. Une nouvelle entrée de Ringo Dead Star, So High, du côté anglophone. Ça vient de leur album qui s'appelle aussi Ringo Dead Star et j'ai vraiment adoré ça. Oui, c'est très bon. Wow! Et juste avant, c'était Cliché de la formation Les Handclaps qui sont au front de couverture cette année. Oui, vous êtes toujours au Palmarès C'est Fou. On a lancé la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. On vous rappelle que d'ici la fin de l'émission, on a plusieurs choses à vous offrir. On a la chronique Un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis. On a aussi la chronique artistique et culturelle de Stéphanie Gagné. Guess what? Oui! Et on a des billets aussi. Oui, on a deux billets à faire tirer pour le spectacle de Bernard Adamus qui a lieu demain soir, salle Anaïs Alain-Rousseau. C'est donc plus tard dans l'émission qu'on va vous donner ça. Mais pour l'instant, on retourne à nos palmarès. On est rendu au position numéro 17. On va entendre les 17e et 16e. On va en sauter une là-dedans, mais quand même, du côté anglophone de la 17e, c'est The New Pornographers avec Moves qui descend de 5 places. Et côté franco, c'est Alexandre Desilets avec la pièce À pas de géant qui était aussi une nouvelle entrée la semaine passée. Au 89 FM, c'est fou! Sing along, turning over.

Antoine Corriveau et la pièce Barcelone en position numéro 16, francophone, ça monte d'une place. Et justement, c'était The New Pornographers avec la pièce Moves. Oh que oui, un autre beau petit bloc. On a sauté par-dessus Wolf & Cobb en anglophone avec Seven Sevens, n'est-ce pas? Oui, et on va encore passer par-dessus tes pièces. Dans le fond, on va faire de la 15e à la 13e position du côté francophone et on va passer par-dessus toute l'anglophone. Et oui, c'est dommage, mais du côté anglophone, donc on aurait entendu Braids avec Plat Heart qui descend de 4 places en 15e. En 14e, ça descend de la 6e, Thrones de The Deers. Et en 13e, c'est Hey Rosetta avec Your Spring. Qui descend aussi de 8 positions. Oh oui! Alors, on va plutôt écouter du côté francophone. On va entendre Jean-Philippe et Jérôme Dupuis-Cloutier. Non! Non! On m'a dit qu'on l'écouter. Bon, on va l'écouter. Tu as dit qu'on l'écouterait. On va l'écouter. Bon, on va l'écouter. Pas trop. Jean-Philippe. Mais on commence avec Harvey et la pièce Échelle numéro 9. Ah, ben oui. Tu vois, je suis en train de préparer la mauvaise. Ouais, j'étais quand en train de dire ce plus tard. Tantôt, on va entendre ça. Ben oui, merci. Mais ça. Là, on va entendre Harvey, Échelle numéro 9. C'est une nouvelle entrée la semaine passée. Et là, ça monte de une position. Ça se retrouve à la position numéro 15, francophone. Tu vois comment c'est pas grave quand t'as du bon beat en arrière? Tous les gars sont permis quand t'as du bon beat en arrière. Ça paraît que c'est ta fête parce que je t'ai jamais vu danser de ma vie. Mais attends un peu, tu peux et pas appeler ça de la danse, là. C'était pas de la danse, c'était bouger. Ça, je peux l'admettre. C'était se dandiner, mais c'était pas de la danse. Parce que je ne danse pas. Ouais. Donc, échelle numéro 9, tout de suite, de Harvey au 89.1 FM. C'est fou! Numéro 14. comprendrais si tu perdais tous tes moyens. Si tu apprenais à maïr, ça te ferait du bien. Essaie donc de comprendre. J'ai du mal à redescendre. J'ai envie de fuck up, de fuck up. Que tu ne sois plus là. Ma solitude. Numéro 13. Je suis un homme destin, une race en voie d'extinction. Vous ne pouvez m'emmener dans le train de l'évolution. Je ne bouge pas tant que j'ai faim. Jérôme Dupuis-Cloutier avec la pièce Homme d'instinct, c'était à la 13e position. Ça monte de 2. Ça descend de 2 plutôt. Voilà. C'est la fin de la première heure. Il y en a une deuxième qui s'en vient juste dans quelques instants à peine. Il va y avoir, entre autres, là-dedans, Jérôme Minière, Peter Peter, les Breastfeeders, Tokyo Police Club, The Almost et Sufjan Stevens. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a du contenu, Stéphanie. Oui, aussi, un instant classique dans la deuxième heure. Restez avec nous. C'est la deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 14 au 20 mars 2011. Et c'est Stéphanie Gagné. Lui, c'est le fanatique de Virginie. Non, c'est la. En fait, elle s'appelait aussi Virginie, mais c'était la sœur d'Isabelle Blais. C'est la sœur d'Isabelle Blais jouait dans Virginie, elle jouait le rôle de Virginie, numéro 2. Ah, c'est qu'il y avait une autre fille qui jouait Virginie numéro 3. J'ai jamais écouté ça de ma vie, mais en même temps, il y a du monde dedans qui sont cool. Ça peut arriver des fois, pour un chèque de paye, de jouer dans Virginie, ça se peut. Ouais, c'est possible. Le ferais-tu? Moi, si j'étais acteur? Peut-être. Peut-être. Tu peux croiser la sœur d'Isabelle Blais, pourquoi pas? Ouais. Bon. Toujours dans les palmarès, c'est fou. On est rendu au position numéro 12. Du côté anglophone, c'est Tokyo Police Club avec End of the Spark. Ça descend de 10 places. Et côté francophone, c'est Peter Peter avec la pièce Oma qui descend de 3 positions. Et juste après ça, ce sera les moments cocasses d'assemblage requis avec un instant classique. Je laisserai les marées basses me raccompagner jusqu'à chez moi. J'implorerai le temps qui passe. De cesser de passer par là. La nuit est jeune à ce qu'on dit baliverne. La nuit est vieille et périssable. Elle est inflammable. Oh, ma maison qui brûle. Je fume ma peau. Oh, maison qui brûle, je fume ma peau. Oh ma, oh ma, oh ma. Hoche la gare, ma vie chez elle, à me regarder mourir de honte. Il y a à boire et à fumer mes îles. Il n'y a rien à croire. Une tumeur, médaille d'or, a dévoré mes espoirs olympiques. Je n'ose plus sortir dehors. J'ai peur de m'y perdre encore. Oh ma, ma maison qui brûle. Je fume ma peau. Ma maison qui brûle, je fume ma numéro 12. A piece of a pie. The end. Police Club avec End of the Spark. Avec toute cette jazzette-là, on n'a même pas profité de la chanson. Ben non, je sais, mais je l'écoute sans cesse à la maison, donc c'est correct. C'est en 12e position. Avant, du côté francophone, c'était Peter Peter avec Oma. Ça descend de 3 places sur le maxi Peter Peter. Maintenant, dans les palmarès, c'est fou, c'est le moment qu'on attend tous à chaque semaine, en début de deuxième heure. Stéphanie, oui, quel moment? Je suis toute fébrile. Fébrile, pourquoi? C'est un instant classique. Oh! Voici les moments cocasses d'assemblage requis pour la semaine du 14 mars 2011. C'est juste la fin de la première heure. Il y en a une deuxième tantôt. Oh! Incroyable surprise. Allez, m'accoucher, moi, là. Non, non, non, non, non. Pas la fin de la même. C'est après l'émission. Oh, okay. Oh, non, attends, tu travailles ici. Ah, tu peux pas. T'as un bon doigté visuellement pour des chansons comme ça. Merci, François-Olivier, pour ce compliment qui veut pas dire grand-chose. Savais-tu que c'est la journée du Pi aujourd'hui? Moi, je suis de Saint-Pi, ce Pi-là. Ah oui, non. Ou Pi, le chiffre... Les vaches. Ah, les vaches. Non, non, vaches. Le chiffre, en effet. Ça, c'est... Ça Banana dirait... Split présenté par Dairy Queen, c'est ça? Ah, oh, ça c'est peut... Non, je l'ai pas vu. Mais t'aurais pas tard, là. Non, mais j'ai tard, c'est une blague. Le Selection Sunday, que t'as appelé tantôt. Ouais, Selection Sunday. Selection Sunday. Donc, okay, le Selection Banana Split présenté par Dairy Queen, comment? Je cherchais un jeu de mots avec Selection. J'avais vraiment pas établi le Sunday dans ta blague. Mais j'avoue que j'ai pas de mérite avec cette sélection. Selection mérite. Selection mérite, non? Oh, non? OK, peut-être que t'aurais pas choisi ça, monsieur le président, choix du président. Ces jeux de mots n'ont pas de nom, sans nom. On te donnera pas nos compliments. Oh! Wow! OK, il m'a eu, par exemple. Lanaudière. Ça va pour le dire. Lanaudière, je me suis pas trompé. Ça, non, il n'y a pas de problème. C'est pas Lanaudière? Non. Diary? Non, c'est tout. Diary. Oh, on va se chicaner, là. Ah, les petites blagues faciles aujourd'hui, on se croirait à mon oncle. De Lanaudière. Ou l'anneau de demain. Ou l'anneau de demain. Ou l'anneau de jour. Ah. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Nous, jouer de la bonne musique? Jamais. Toujours. Toujours. Enfin. Ben oui, voyons donc. Marketing. Hey. Ah, mais on dit contrat, c'est comme la journée des contrats, hein? Ouais, c'est on... T'es fin. Oh, c'est pas vrai. C'est contrat. Tout est beau. Ah, là, là, là, là, là. Oh, jus de tomate. Jus de tomate. Oui, tomato. Juice. C'est un fruit. C'est un fruit? Un fruit. C'est pas un légume. Non, c'est ça. Hey, toi, hey. Commence pas à me traiter de légume, c'est Mathieu, pardon. Ta chronique, les éphémérides du rock avec Alain Lefebvre. Les éphémérides. Les éphémérides. Ouais, exact, c'est ça. Ça sonne bien. Il n'y a pas l'explosion derrière. Ben. Non, c'est... Ah, oh, okay, on, attention. On va laisser, OK. Vas-y, tu fais explosion, on y va à trois, OK? Parfait. Mais à go, à un des trois, go ensuite. Okay. Ouais. Un, deux, trois, go. Les éphémérides. Hey, c'est génial. Pas si pire. Pas si pire, ouais. 7 sur 10. Mais non. Belle attention. J'en profiterai, car Simon fait du bien, là. Et François Landry aussi. Donc, pour te chanter, oh, Mathieu. Non. Non. Un joyeux anniversaire. Uh-huh. Donc, allons-y, chantons. On y va en cœur. Oh, oui. Oui. Un, deux, trois. Bonne fête, Mathieu. Bonne fête, Mathieu. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Mathieu. Yeah! Bon, mais je suis officiellement gêné. Mon cher Mathieu. Ah, hey, bonne fête. Bon. Ben oui, ben merci. Bonne fête. Vous voulez pas chanter la façon Mathieu Plante, genre... bonne fête. Et c'est très bon. Ah ben ça, ça joue assez fou, hein? Dur de dire le contraire. Les moments cocasses d'assemblage requis pour la semaine du 14 mars 2011. C'est à ton tour. Peut-être sans que la journée finisse. Ben, un peu, ouais, quand même. Ça me gêne, moi, les bonnes fêtes, mais quand même. Moi aussi, j'haïs ça pour mourir. Ouais. Je suis-tu contente, je ne serai plus là quand ça va être ma fête, fait que tu ne pourras pas me le souhaiter. Ah, ben, quand les nous font, je le souhaite sur Facebook, comme tout le monde le fait, mais ne le pense pas nécessairement tout le temps quand ils l'écrivent, parce que ça prend deux secondes à faire. C'est pour ça que je n'écris pas à personne. Non, c'est bien. Je vais remercier, j'apprécie énormément ceux qui le font. C'est vraiment très, très, très gentil. Mais moi, j'ai de la misère à le faire moi-même. J'ai de la misère à dire bonne fête aux autres. Moi aussi. Parce qu'il y en a tellement à tous les jours. Moi, je l'ai dit juste aux personnes que ça compte vraiment. Il faudrait que je fasse attention à ça. Et là, j'ai la niaiseuse, je t'allais pas encore écrire sur ton Facebook. Il y a ça. Mais je le prenais pas personnel parce que je te l'ai dit, moi. Et la fête, c'est pas la chose la plus. C'est juste plus vieux d'un jour, dans le fond, comparé à hier. Ouais, c'est ça. Bon, je me sens pas plus vieux. vous êtes toujours pas mal assez fou. On disait que c'était assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante. On est là tous les jours et puis on essaie de vous faire rire un petit peu, vous divertir, vous parler de différentes choses intéressantes ou pas, là. Ou pas. Ça peut ne pas être intéressant des fois. Ça allait bien. Ça arrive. Mes chroniques particulièrement. Bon. donc, on est rendu aux positions numéro 11. Du côté anglophone, on va entendre Sufjan Stevens avec I Want to Be Well. Ça descend de la troisième place. Et côté franco, c'est Jérôme Minière avec Le Café Espagnol tiré de son album Le Vrai, Le Faux. On écoute ça pendant assez fou au 89.1 FM. Oh là là là. Ah ah ah! Café espagnol. Le passé s'envole et nous trahit.

Choke me that way with the filled demon and the shroud is shalom under conversation in tremendous weight of a crowd of ages outside just for murder. The Almost, c'est la pièce Birmingham en position numéro 10. Ça monte de 9 places. C'était nouveau la semaine passée. Avant, du côté franco, on a sauté par-dessus Martin Léon et All In. Ça, c'était stable. Hein? C'était oui. Stable. Stéphanie qui vient d'arriver en studio comme ça, subitement, alors que je venais déjà de dire ce qu'elle aurait dit si elle avait été là. Ah, c'est pas grave. Il te reste comme plus rien à dire. Ouais, on a passé par-dessus Martin Léon. C'est ouais. Vrai. Avec c'est All In. Ouais. Est-ce que tu veux présenter le prochain bloc? Tout seul, tiens. Pas de problème. En 9e position, on va entendre tout à l'heure Black Mountain avec The Hair Song, mais on commence avec les Breastfeeders avec la pièce 400 000 qui monte de 11 positions. Au palmarès, c'est fou! Retour Black Mountain et Chinatown dans les palmarès, c'est fou. C'est fou. 89. 1-1. Numéro 9. We'll be right back. The Hair Song de la formation Black Mountain en 9e position et ça monte de 9. Avant, du côté franco, c'était les Breastfeeders avec 400 000. Ça monte de 11 places. C'était nouveau la semaine passée en 20e position sur l'album Dans la gueule des jours. Vous êtes toujours au palmarès, c'est fou. On continue avec les 8e. Un petit peu plus tard dans l'émission, hein, il va y avoir la chronique Guess What avec Stéphanie Gagné. Il faudrait pas manquer ça. Oui, au début de la 3e heure. C'est un petit peu stupide et je dirais insignifiant. Oh, merci. De manquer ça. Oui, ben, c'est mieux. OK, tu pensais que c'était que la chronique allait être comme ça, c'est ça? Ben, je pensais que t'allais finir ta phrase là, là. OK, bon, d'accord. Position numéro 8, anglophone, c'est The Megaphonic Thrift avec The Undertow. Ça monte de 12 places. Et côté franco, c'est Chinatown avec la pièce Tant pis pour moi qui monte de 5 positions. Vous écoutez C'est fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Sur cette musique qui te va tellement bien, c'est l'amour, ce sourire détendu, à compter les étoiles quand nous serons ensemble, amoureux pour la vie, amoureux pour la vie. Pourtant je te connais, dessus tes survêtements d'intérieur, en coton comme au temps des esclaves, celui que je veux être à partir de maintenant, aujourd'hui et demain, toujours et à jamais. Tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi. Sur cette musique qui te va tellement bien, c'est l'amour, ce sourire interdit qui me hante les nuits où nous serons ensemble, amoureux pour la vie, amoureux pour la vie. Tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi.

The Megaphonic Thrift avec The Undertow pour sur le numéro 8, ça monte de 12 places. C'était nouveau, c'est la semaine passée. Et juste avant, on a entendu Chinatown avec la pièce « Tant pis pour moi ». Que c'est sa troisième semaine au palmarès. Moi, je trouve que c'est le moment parfait pour aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, Stéphanie Gagné. Mais quelle bonne idée. Quelle excellente idée. Vous savez, le palmarès, c'est fou. Là. Les palmarès, c'est fou au pluriel parce qu'il y en a deux au moins. Il y en a plus que ça si on les compte tous. On en joue deux. Il y en a six. Mais il y en a six, c'est ça l'affaire. Donc, c'est plus que seulement le top 20 francophone et le top 20 anglophone. Il y a aussi le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 loud et le top 10 électronique. Commençons par le top 30 des CD. Je vais faire les nouvelles entrées. En 20e place, Ringo Death Star avec Color Trip et en 19e, Kai avec 11-11. Et 3e position, Chromeo avec Business Casual. 2e position, Young Galaxy avec Shape Shifting. Et 1ère position, Mother Mother avec Eureka. En position numéro 3 du top 3 des disques canadiens, en fait, le top au complet est pareil comme ton top 30 des CD, donc ça vaut même pas la peine de le dire. Chromeo, Young Galaxy et Mother Mother en première. Exactement. Dans le top 10 électronique maintenant, quelques nouvelles entrées. En 9e, X-Rays avec Ammunition Teeth. En 7e, Computer Magic avec Electronic Francis EP. En 6e, Licky Lee, qu'il faut dire. Licky Lee. Avec Wounded Rhymes. Et en 5e, A Lull avec Confetti. Et l'autre nouvelle entrée est en 2e, donc je te laisse faire le top 3. Numéro 3, Sister Crayon avec Blow. 2e position, donc tu disais une nouvelle entrée, Sin Fang avec Summer Echoes. Et stable à la 1ère position, Sam Youmam avec la pièce, avec plutôt l'album oui. From Memory. Tout à fait, même chose, c'est des albums aussi dans le top 10 loud. Une seule nouvelle entrée en 8e place, Amon Amarth avec Searcher Rising. Toujours compliqué, hein? Oui. Le top électronique et le top loud, c'est jamais très, très easy. En position, oui, vas-y. C'est bon, je n'étais pas sûr si tu allais y aller. Je te laisse y aller. Vas-y. 3e position, c'était numéro 2 la semaine passée, The Ghost avec Opus Eponymous. 2e position, c'était numéro 1 la semaine passée, Motorhead et The World Is Yours. Et 1ère position, Children of Bodom avec Relentless, Reckless Forever. Voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Retournons à nos standards top 20 francophones et anglophones. On était rendu aux positions numéro 7 du côté anglo. Ça monte de deux places. Danko Jones avec Tonight Is Fine. Tonight Is Fine, oui. Tonight Is Fine. Comment se font? Oh, c'est l'air de Pierre Bruno ici. Ça fallit. Ouais. Danko Jones, Tonight Is Fine. Une pièce qu'on joue rarement. On la saute une fois de temps en temps. Au moins, on saute Danko Jones assez souvent, je trouve. Si on est honnête, oui. C'est ça, ben on l'est, on est très transparent. Ici, on peut voir directement en arrière de moi les fils. Le mur très, très genre de rose rouge. C'est comme un rouge bourgogne. Je vois pas où tu vois le rose, c'est très rouge vin. Il tire sur le mauve, peut-être, non? Rouge mauve. Un peu. Il tire sur le brun, je trouve. Le brun, d'accord. Et bon, voilà. Donc, c'est ce qu'il y a derrière notre transparence. Que ça voulait juste dire que dans le fond, on saute des fois dans quelque chose et là, on mais les fait jouer parce qu'on est fin. Voilà. C'est ça. Et du côté franco, ça reste stable en 7e position. Karim Ouellet avec la pièce Météore de son album Plume. Je suis transparent et en même temps beaucoup trop détaillé. Ça. Et j'aurais bien dit, c'est le même qu'on m'aime. On qui n'inclut pas la personne qui parle. Quand même. Ouais. Beaucoup de lumière, je sais de quoi ça a l'air. Oh ciel, j'ai vu autre chose qui faisait des mouvements bizarres dans les airs. J'ai besoin d'un dernier verre, puis qu'est-ce que c'est à l'envers? Puis tu sais, il faut que tu me ranges, t'auras jamais pris ta revanche demain. Oh ciel, j'ai juré voir des silhouettes dans ma chambre. Me semble, c'est pas dur à comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais comment ça sonne. Je me tiens mieux quand on me donne la prise. Oh, ciel! Une menace venue de l'espace. Tu sais comment ça se passe. Toute la planète est en crise. C'est la fin de semaine. J'ai déjà vu quelque chose de même qui se peut. Ah, alléluia, tu sais comment me prendre. Toi et ton cœur tendre. On n'a jamais rien vu de comme ça. Y'a des mensonges sur les ombres. Pour moi, puis mon cœur sombre. Jamais rien entendu de même. chose de même qui se peut. Numéro 7. It's fine, de Danko Jones. C'est en 7e position, ça monte de 2. Avant du côté franco, c'était Karim Ouellet avec Météor, stable donc en 7e position. J'avais déjà dit 7e, mais stable, bon. Hein, on ne commencera pas à dire n'importe quoi pendant 2 minutes, comme quand j'ai parlé du mur derrière moi. Tu te rappelles tantôt quand on a parlé du mur derrière moi? Quelle couleur? C'était un beau moment, c'était comme un genre de rouge bourgogne. Brun. Oui, rouge, rose, brun, c'est une main. Très belle, nouvelle couleur pour 2011. Bon. On est rendu position numéro 6 pour terminer cette deuxième heure. En anglais, il va y avoir The Rural Alberta Advantage avec Stam. Ça monte d'une place. Et côté franco, l'excellente formation Monogrenade avec la pièce M'en aller de leur album Tantal. Vous écoutez un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. C'est entre guillemets les palmarès C'est fou, point d'exclamation. Mais il n'y a pas vraiment de point d'exclamation dans le nom de l'émission. Fermez les guillemets. Mais moi, je mets point d'exclamation parce que c'est la fin de ma phrase que je viens de dire. T'sais. Rouge, rose, brun. Ouais, je peinturerais pas mon appartement comme ça. Non. The Rural Alberta Advantage avec Stamp, position numéro 6, ça monte d'une place. Et juste avant, c'était Mono Grenade avec M'en aller, et c'est la fin de la deuxième heure. Il en reste une troisième, une dernière. On va le savourer jusqu'à la dernière goutte de musique, là. Ah oui, je savoure, en effet. Telle une barre de chocolat avec une gaufrette à l'intérieur et qui a le nom d'un chat. Mais avec un K. Et un kit. Bref, restez là, on vient après la pause. C'est le Kit Kat, on a compris. Ah, c'est fou le rodage. Bon retour, c'est toujours le Crazy Countdown. Les palmarès fous pour la semaine du 14 au 20 mars 2011. C'est Stéphanie Gagné. Et lui, Mathieu Plante. Ça me donne toujours crazy le goût de même. Crazy Countdown. Ça me donne tellement le goût de chanter quand tu me dis Crazy Countdown. Ben oui, mais c'est la traduction. Hein? Les palmarès fous. Crazy Countdown. L'anglais. L'anglais. Tu connais ça, Stéphanie, c'est l'anglais. You know what I'm talking about. No. Bon. Donc, oh, troisième heure qui... j'avais dit troisième heure. Tantôt, j'ai pas dit deuxième. Mais des fois, je dis deuxième quand c'est troisième. Troisième. D'accord. On était rendu pour son numéro 5 du côté anglophone. C'est Diamond Rings avec Wait and See qui monte de 5 places. Yoï! Youpidou! On est heureux. Et côté franco, c'est Eugène et le Cheval avec la pièce Appartement qui baisse de 2 positions. Vous écoutez l'émission qui vous présente la musique de demain, aujourd'hui et en rappel, le lendemain. Sauf si vous êtes le lendemain, alors là, c'est... Là, c'est plus en rappel, le lendemain. En rappel aujourd'hui... 9 hier. En direct jeudi, en rappel vendredi. Ça fait un slogan moyen, par exemple. Pas sûr. Quand on parle de rappel, c'est pas très slogan. Ah, tu trouves? Je trouve. Moi, je le garde, ce slogan-là. Je l'aime bien. Voici Eugène et le Cheval. numéro 5. Something different. How should I know whether I should trust my instinct farther than I can throw? Oh, playing with the double dagger, changing the rules, hanging down and out past midnight with the freaks and the ghouls. Retaliating with silence, running away in place, chancing upon situations out of my league. I just need some provocation and I'm down on my knees. Diamond Rings avec la pièce Wait and See à la 5e position, c'est sa 6e semaine au palmarès. Juste avant du côté franco, c'était Eugène et le cheval avec Appartement qui descend de 2 places sur le maxi. Appartement, barre oblique, 1955 en chiffres. Les deux pièces de cet album-là. C'est un peu ça. Et aussi 1955. Mini-album. Ouais. 1955, c'est peut-être un numéro d'appartement aussi. Oh! Oh, c'est peut-être ça l'affaire! Oh my God! On n'a pas écouté les paroles, hein? Ça paraît-tu? De la deuxième pièce. Donc maintenant, Stéphanie, devine quoi? Quoi? Devine quoi? En anglais, guess what? C'est ta chronique. J'avais compris, je voulais juste voir la suite. Il n'y en avait pas. Okay. Une blague à la Mathieu Plante. En fait, pas une blague, juste une observation. C'est un, pas drôle. Deux, ça n'a pas de lien. Trois, ben ça finit pas. Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Donc Stéphanie, il se passe des choses dans le domaine artistique et culturel et tu nous en parles chaque semaine dans Guess What? Ben oui, il se passe tout le temps plein de choses et justement toi tu m'as remis à l'ordre tout à l'heure en oui. me donnant une nouvelle. En début d'émission, je t'ai dit qu'Armistice, toi tu me disais, moi je te disais, l'autre disait puis l'autre a dit, tu sais les filles parlent de main, c'est fatiguant. Fait que là elle disait, fait que l'autre a dit, fait que là elle disait, puis l'autre a dit, fait que tu disais donc Armistice, ils sont ensemble, Jay Malinowski puis Carl Pierre sont ensemble, je te fais comme, va lire tes nouvelles Steph, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement compliqué de lire toutes les nouvelles. Il y en a trop. Je vais voir à peu près 7 ou 8 sites de nouvelles culturelles à tous les jours. Et ça donne que les deux sites sur lesquels il y avait cette nouvelle-là, je vais pas les voir. Non. Donc, tu as manqué ta chance de savoir que peut-être ton futur mari est maintenant sur le marché. C'est ça. C'est génial. Youpidou. Oh, et oui. Moi, pour Cœur de Pirate, en même temps, moi, j'aime bien Cœur de Pirate. Vas-y fort, moi, Jay Malinowski, he's mine. On sortira à quatre. Donc, c'est ça. Ils sont plus ensemble depuis quelques temps déjà. Et pourtant, à date, ils ont poursuivi le projet, mais il y a quand même du monde qui se demande s'ils vont continuer. Ils ont sorti un mini-album, ça fait quand même pas si longtemps, un maxi de quatre pièces. Et c'est ça, ils n'ont pas encore fait beaucoup de spectacles. Moi, je voulais aller les voir en spectacle et je voulais entendre un album complet. Il reste à voir si ça va continuer, j'espère, parce que j'ai vraiment aimé le maxi. Ce serait vraiment dommage. J'aurais aimé mieux qu'ils cassent avec leur mariachi, hein. Leur groupe de mariachi, l'armistice derrière. Ah, c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que j'aurais un album complet de tout ça, c'est trop. C'est ça, plus de variété. Ouais, j'aurais aimé ça entendre un album complet d'eux autres, parce que j'adore les deux voix ensemble. Là. Oui, ça fit. Hein. Tellement, c'est tellement beau. Donc, c'est ça. Ça, c'est la première nouvelle que Mathieu m'a donnée tout à l'heure. Bon, ben ça me fait plaisir de t'avoir mis du soleil dans ta vie. Ben, merci bien. Ouais. Donc, on commence mes nouvelles à moi. Bon, d'accord. Approprie-toi-les. Qui sont pas nécessairement à moi, parce que je les ai trouvées sur d'autres sites de nouvelles. Approprie-les-toi, je pense. Enfin, bref. Bref. Donc, il y a 9 artistes ou groupes québécois qui sont en liste pour remporter le Grand Prix de la relève musicale Archambault 2011. Mm-hmm. Ce prix-là, il y a une bourse de 10 000 $ en plus d'une bourse de 2 000 $ remise à la maison de disques du gagnant pour faire la promotion de leur album. Et le gagnant va être dévoilé à l'automne. Et dans les nominés, il y a Ariel, Bobby Bazzini, Laurence Ellie, Isabeau et les chercheurs d'or qui sont aux francs-couvertes. Colin Moore, que je connais pas, Alex Nevsky, Francis D'Octobre, Random Recipe, et un autre que je connais pas, Raphaël Zaldivar, ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu connais, ou Colin Moore? Le dernier, là, non. Colin Moore, on m'a dit que c'était super bon, et sérieusement, on a un CD ici, on devrait peut-être l'essayer à un moment donné, hein? Hein, poste d'écoute? Ce serait une pas pire idée, tiens. Comment ça dater pour faire un poste d'écoute, mais ouais, on pourrait bien. Va falloir que j'écoute ça. Et bon, la semaine passée, j'ai parlé d'une nouvelle pièce des Arctic Monkeys et qu'il n'y avait pas encore annoncé d'album. Eh bien, au moment même où je parlais de ça, ils ont annoncé un nouvel album. Fait que là, j'ai l'air d'être une semaine en retard. Ouais, il aurait pu attendre ta chronique avant d'annoncer ça. Voyons, non. C'est pas une affaire. Il aurait pu sortir la nouvelle le matin. Ben oui. Comme ça, j'aurais pu le dire dans ma chronique. Duh. Sûrement qu'elle est sortie le matin, mais plus loin de l'Amérique du Nord. Voilà. Mais bref, ils ont un nouvel album qui va sortir le 7 juin prochain. L'album s'intitule Suck It and See. Alors voilà. Suck It and See. Oui. Suce ça et tu verras. D'accord. Ouais, c'est un genre. Ça. Moi, je juge pas. Moi, c'est oui. Ça qui est ça. ensuite, il y a une nouvelle pièce de The Kills qui est disponible sur leur site web www.thekills.tv. La pièce s'intitule DNA et ça va être sur le prochain album Blood Pressure qui sort le 5 avril. Parlant de nouveaux albums, le nouvel album de The Strokes Angles est disponible en écoute complète sur somekindofawesome.com. L'album sort mardi prochain. Ensuite de ça, il y a une nouvelle publicité d'Adidas. Tu sais comment j'aime les publicités qui ont de la bonne musique dedans? Toujours. Comme il y avait une publicité de bière, je sais pas laquelle, puis même à ça, je la nommerai pas, avec une pièce de Malajube. Bonne night. Ah, excuse-moi, oui. Bref, et c'est ça. Là, il y a une nouvelle publicité d'Adidas. Ça combine musique, sport et mode. La publicité dure 2 minutes. Et il y a une pièce de Justice et la pièce Civilization. C'est vraiment très bon. J'ai vraiment aimé la publicité. Tu vois, musique, sport et mode, là. En voulant 1/3, c'est pas pire. Pour moi. Bref. Bref. Weezer va être de passage au Québec. On savait déjà qu'il allait être le 3 juillet au Centre Bell. Ils ont annoncé sur leur site web qu'ils allaient aussi aller au festival Woodstock en Beauce le 2 juillet. Ça, c'est inscrit sur le site web du groupe, mais les organisateurs du festival n'ont rien confirmé encore. Alors, ça reste à voir, mais sinon, vous pouvez aller les voir au Centre Bell le 3 juillet. C'est dans tes plans, hein? Ah, ben, toujours. Je vois ta face et je suis pas capable de déchiffrer ce que tu penses. Hey! Ensuite de ça, il y a un nouveau clip pour les Foo Fighters. C'est pour la pièce Rope. Et c'est réalisé par Dave Grohl, le frontman du groupe, qui était aussi dans Nirvana, bien sûr, il y a de ça très longtemps. Finalement, dernière nouvelle, il y a eu le gala The Indies qui s'est tenu à Toronto il y a de ça quelques jours dans le cadre de la Semaine de la musique canadienne. Plusieurs prix. Donc, je vais vous en nommer quelques-uns. Excuse-moi, c'est quoi V&D's? Est-ce que tu sais? C'est un gala de musique canadien. D'accord. qui s'est passé à Toronto. Bon, artiste ou groupe folk de l'année de Sadies. Bon, je vais skipper ceux qui sont pas intéressants. Groupe international de l'année, je suis très contente. Mumford & Sons. Meilleur espoir, Sleigh Bells. Simple international de l'année, The Black Keys avec Tighten Up. Album international de l'année, The Black Keys avec Brothers. Album de l'année, Arcade Fire, The Suburbs, pas très étonnant. Artiste ou groupe en concert de l'année, ça je suis très d'accord, Metric. Groupe écœurant à voir en spectacle. Artiste ou groupe électronique de l'année, holy fuck. Artiste ou groupe francophone de l'année, pas très étonnant non plus, car quoi. Artiste ou groupe punk de l'année, Cancer Bats. Groupe de l'année, Alexis on Fire. Et finalement, tu seras pas très étonné de ça non plus, meilleur vidéoclip de l'année, Colorado. Ah, j'allais dire Justin Bieber. Come on! Tellement fan! Sais-tu qui est rendu avec sa statue de cire? Ah oui, pas vrai. Ouais. De 2 cm de haut. À peu près. Ouais. J'ai avec vu ça en journal cette semaine. Hein. Plus de toupette. C'est fini, c'est le toupette. Hein. Non, je pense qu'il y a un toupette. Ah oui. Il y a encore la coupe de cheveux de... Il y a quelques temps. Ouais. Eh bien... C'est ça. Est-ce qu'on parle vraiment de Justin Bieber? On peut continuer à parler de Colorado à place. Ah, bonne idée. Donc, c'est ça, meilleur vidéoclip de l'année, Colorado avec la pièce Americanorama. Excellent vidéoclip. Sérieusement, si vous ne l'avez pas encore vu, il faut aller le voir. C'est aussi bon que les clips de OK Go, sauf peut-être le clip Last Leaf qui n'était pas très débile bon. Pour une si bonne pièce. Mais bon, on va aller écouter la pièce Americanorama de Colorado. Colorado avec la pièce Americanorama dans la chronique Guess What. Oui, et c'est terminé, c'est ça? C'est fini. Et c'est plat. Je n'ai pas l'autre, je m'excuse. Malheureusement. La semaine prochaine, est-ce que tu vas en faire une autre, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. OK. OK, yeah! La semaine prochaine, Guess What avec Stéphanie Gagné, la chronique culturelle et artistique. Vous êtes toujours au palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On est rendu aux positions numéro 4 du côté anglophone, c'est Armistice, dont on parlait il y a quelques minutes à peine, avec Mission Bells, le numéro 1 de la semaine passée. Et côté franco, Vanessa Parietta qui reste stable en quatrième position avec la pièce Archipel de l'album Canicule et ours polaires. Ah, c'est fou! Time. Armistice et Mission Bells en position numéro 4, anglophone. Avant ça, c'était en franco, Vanessa Varietà et Archipel. Maintenant, c'est le moment d'un concours. Oui, on fait tirer deux billets pour le spectacle de Bernard Adamus demain soir, salle Anin, salle Rousseau. Évidemment, le concours s'adresse aux auditeurs du jeudi, donc le spectacle a lieu demain vendredi. Les auditeurs du vendredi, qui ont le spectacle est ce soir, n'ont pas le concours parce que c'est une rediffusion. Vous comprenez jusque-là? Exactement. Voilà, donc auditeurs du jeudi, vous pouvez nous téléphoner au 819-376-5183. Là, on l'a cherché, puis 5183, ça fait l'UF, mais L espace UF, mettons. Ou encore J espace... UD. V, oui, de. Jude, c'est ça? Ouais. Donc, comme retenez... Hey Jude, mais sans E et avec un espace. Ah! Là, j'aime vraiment ça. Donc, 376-5183, 819-376-5183 pendant la prochaine pièce pour gagner une paire de billets pour le spectacle de Bernard Adamus vendredi. Où déjà? Salanès, Salard Rousseau. Ah! Yes! Au-dessus alors... de la bibliothèque. Ah oui? Oui. Eh bien, mais pour l'instant, on va entendre Panache du côté francophone en troisième. Voici le genou de Claire. Et encore une fois, 819-376-5183. Restons calmes et n'ayons l'air de rien. Tout sera réglé avant demain. Ce désir-là qui m'arrache la tête. Il est peut-être... trouve pas que toute la chanson, tout le long, il me semble, t'imagines genre l'intro de Lance et Compte ou une émission des années 80, tu sais. C'est vrai, mais... Tu vois, le début se faire, mettons, tu sais. Moi, puis les années 80. Oui, t'aimes ça. Oui, j'adore. Chromeo aime ça aussi, en position numéro 3, anglophone. Chromeo avec Night by Night, ça monte de la 17e place. Et côté franco, c'était Panache avec le genou d'éclair de l'album homonyme. On prend un petit moment pour se reposer avant de revenir avec les deuxièmes positions. Il va y avoir Galaxy Galaxy et Young Galaxy. Incroyable! Peut-être un jour seront-ils numéro 1. Qui le cru? Incroyable! Restez avec nous, c'est des palmarès, c'est fou. On va aller de hockey vers ce temps-là, hein? C'est... avec des filets, là, puis des... le nouveau filet de poisson double, là. Il y a le nouveau double filet de poisson chez Show Show. Big Do, là. Big Do! Samedi le 19 mars à 20h, le Centre culturel Pauline Julien de Trois-Rivières présente le Bio Bazar Bazar, un spectacle multidisciplinaire. Une chance qu'on allait prendre un petit moment pour se reposer. La pub n'avait pas joué. Ben. Bon, ben laissez faire la pub, il n'y a pas de pub, on défonce ça. Ça, c'est Mike Ward. Hey, c'est gossant comme voix, ça. Et Mike Ward, mais sa voix me tape ses nerfs, mais on l'aime pareil. Hein. On va l'entendre au position numéro 2 tout de suite, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Calé, non, on pourrait se croire à une radio qui fait la promotion avec 14. Tu sais, 94 minutes sans pub, qu'ils disent à certaines stations de radio. Ils disent 94 minutes sans pub. Mais ils n'arrêtent pas de plugger le fait qu'ils sont à. Insérer le nom de la station ici, mettons. Mais ça n'arrête pas, tu sais. C'est super gossant. Tant qu'à ça, mettons de la pub, tu sais. Bref, position numéro 2, anglo. Tout à l'heure, mais avant la Franco, Galaxy. Pourquoi? numéro 2. We were conduits of love. Let life phosphoresce us. Half asleep and self-indulged. We've lost our Galaxy avec The Angels Are Surely Weeping featuring Hannah. Ça monte de la 14e position en deuxième anglophone. Et avant, c'était Galaxy avec l'excellente piste 1. Oui, étrange bloc, hein, Galaxy et Young Galaxy. Ouais, c'est pas du tout le même genre. Non, et c'est pas comme si Galaxy était vieux par comparaison à Young Galaxy. Non plus, même. Peut-être que c'est Young Galaxy et encore plus Young Galaxy, tu sais. Comme Younger. Younger, Younger Galaxy. Ce serait pas pire, ça. Il aurait dû choisir ça à la place de... Parce qu'on sait tous que Galaxy a changé de nom par rapport à Galaxy 500 qu'ils avaient avant. Il s'appelle Galaxy, mais Galaxy, c'est pas très original, tu sais, non plus. Mais je sais pas pourquoi ils ont enlevé 500. Ah, c'est à cause d'une affaire avec d'autres groupes qui s'appellent Galaxy 500. Enfin, même. Puis il y a pas d'autres groupes qui s'appellent Galaxy ben, dans le monde. C'est ce que je me demandais, en fait. Il y en a des tonnes, j'imagine. Je suis sûr que si on écrit Galaxy, MySpace, il va en avoir tout plein. Ah, on essaiera, voir. Comme Armistice. Non, ça c'est plus original un petit peu quand même, non? C'est un ouais, mot qu'on utilise pas souvent. Oui, il y a beaucoup de groupes qui s'appellent comme ça. Ouais. D'accord. Bon. Cherchez un peu sur Google, c'est nouveau, c'est votre ami. Votre nouvel ami Google. Essayez ça voir. C'est un très vieil ami à moi. Google.com. Si tu veux aller voir. Google, Wikipédia. Oui, c'est ça. On est rendu au numéro 1, c'est ça. Déjà. Ben oui. Excuse-moi, Steph, j'étais dans la lune. Je m'en rendais pas compte, j'étais dans la lune. Ah. Je viens de trouver la lune. J'avais pas pensé à faire les jeux de mots, j'étais dans la lune, tu comprends? Oui! Oui! Est-ce que je vais continuer? Vas-y, t'en reste encore un autre, là? T'es pas ma mère? Arrête de me contrôler. T'es pas ma mère? J'essayais de te faire dire des affaires pour que mon jeu de mots marche, tu vois, le genre de choses. J'étais comme à la poursuite d'un jeu de mots. Je les chassais en te demandant de faire ça. Ça a marché en tout cas? Ça a marché. Ça a marché comme un draveur marcherait sur des bio. Des bio. Bazar. Ah, des bio. Des bio. Ça s'écrit pas de même, mais quand même, pour le jeu de mots ici, ça fonctionne, ça. Ouais. À la radio, on n'a pas besoin d'appeler. Hein. Je pense que tu fais pas tes jeux de mots à l'écrit. Et Colin, hein? Le son de campus. Les autres campus me sacreraient dehors assez rapidement si j'écrivais pas. Je pense que oui. Ouais, mais bon. C'est pas grave, on est à la radio. On peut s'en permettre, hein? Bon. Donc, les positions numéro 1, puis après ça, ben, je vous explique mes jeux de mots en vous disant c'est quoi les affaires qu'on est en train de jouer. Là. D'habitude, on ne reviendrait pas entre les deux pièces. Hein. Juste pour vous rappeler, le spectacle de Danny Janvier, Bio Bazar, ça a lieu. En fait, mais je vais même pas en parler moi-même. Je vais laisser Danny nous en parler. Samedi, le 19 mars à 20h, le Centre culturel Pauline-Julien de Trois-Rivières présente le Bio Bazar Bazar.

Voilà pour les positions numéro 1 des palmarès C'est fou pour la semaine du 14 au 20 mars 2011. On va faire des petits résumés, des top 3. Quel côté veux-tu faire, Stéphanie? Je te laisse le choix, comme toujours. Ah, oh, je vais te laisser le choix parce que tu sais lequel je vais prendre. Tu vas prendre l'anglophone? C'est sûr. Donc, je vais prendre le franco. En troisième, c'est Panache avec le genou de Claire qui monte de 9 places. En deuxième, c'est Galaxy avec l'ancien numéro 1, Piste 1. Et la première place, ça monte de 4, c'est notre ami Biobazar avec Moon Queen. Côté anglophone, troisième position, Chromeo avec Night by Night. Deuxième position, Young Galaxy avec The Angels Are Surely Weeping. Et notre numéro 1 qu'on vient d'entendre, Mother Mother avec Chasing It Down de l'album Eureka. On va se quitter dans quelques minutes avec la pièce Because of the Blood du projet islandais Sinn Féin, tiré de l'album Summer Echoes, qui prend la deuxième position du palmarès. Donc l'album Summer Echoes, qui est dans le palmarès électronique. Ça, c'est tout à l'heure. Mais avant, on vous parle d'une pêche en mission qui suit à 17h le jeudi. Qu'est-ce qui s'en vient, Stéphanie? Tellement de bonnes choses. Je t'ai montré mes CV tantôt. Mathieu était tout énervé. Comment ça fait pour rentrer dans une heure? C'est vrai, non? Malajub, OK Go, Hot Hot Heat, Neon Trees, plein de bonnes choses. C'est Anne Babèche en mission. C'est les jeudis à 17h et ça repasse les mardis à partir de 14h. Donc, soyez à l'écoute. Nous, on se retrouve pour C'était fou et les palmarès C'est fou la semaine prochaine, jeudi de 13h à 17h. Restez à l'écoute pour les autres sorts du vendredi. Ça va être les lutins de l'enfer qui s'en viennent. Quand même que je fais ça mal, le mix, quand je reviens au début de la tune parce qu'on a fait le tour. Hein, ça, je le fais vraiment pas bien. Bref, les lutins de l'enfer à 20h tout à l'heure. Je vous retrouve aussi à Assemblage Rocky du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Yves Marchand et moi-même. Passe une belle fin de semaine, Stéphanie. Merci, toi aussi. Est-ce que tu veux qu'on fasse une autre transition abrupte vers un autre bout de la toune? Oh, attention. Hop, oh, attention. Hop, oh, on pourrait aller plus tard que ça parce qu'on a presque fini. Bye! Bye. C'est pas drôle, je sais. Mais moi, ça m'amuse. I know.